Je suis un animal doué de conscience. Vous êtes con, je pense, gens du capital, vous êtes consciencieux. Nous, on a la dalle, la folie et le bon sens. La folie et la bon sens ce soir, c'est affolant, c'est la folie dans l'ambiance. À vous de foutre le boxon, faut allumer le fry, à foutre le bordel dans la France. Vas-y, perturbe la place. La vie est dure, ça brasse, là où il est pur, ça casse. Comme un coup de chigolerie devant ces clowns sans le barbibel sur la face. Mais eux aussi ils doivent se marrer, tant que tu votes docile, eux peuvent se parer, ils appellent ça démocratie. Bande d'enfoirés, 200 ans d'oligarchie, quelle fin de taré. Mais moi, comme un vieux singe, j'observe et déduis que vos grimaces c'est votre linge et que votre savoir est réduit. Je suis un chat, donc je m'en fous de ta vie. Et en plus de ça, bah c'est ma place ici. Un chien, je t'ai trop senti arriver. Mais bientôt tu seras reparti. Allez bye bye, salut, viens essayer. Mais nous on voulait être libres. Quand tu voulais la certitude d'être payé. Et nous juste peut-être vivre, ou l'être suivre. Comme des animaux criés, lève les bras liés. Croire que c'est beau la vie, comme chez Haribo. Toi tu voulais des lingots malgré des papas. Ça m'a c'est l'Elias qui t'a donné ton. J'en ai déjà dit trop. J'en ai pas, je suis chaud. La bourse, c'est du casino. Voilà le casino. Je suis pas Casimir pour me calmer. Faut quasiment une camisole et quatre schizo. Ramène des fous qu'on jacte. L'affaire est triste avec les gens sains d'esprit. Amen et tous vont se battre. Donne-nous de la paix, pas du vice, lance un défi. Arrête le full contact. Au nom du flair, du twist, je suis un animal. Un animal. L'humain se croit supérieur, mais ce n'est qu'un animal. Détruit la planète, soi-disant pour le meilleur, elle le lui rendra bien. Et c'est pas plus mal, couler du béton partout. Dominer la nature, tout faire tourner autour des sous. Interdire la verdure, l'humain est fou, je t'assure, l'avenir est flou. Bientôt il y aura plus de pétrole pour ta voiture, plus d'eau potable que de l'herbicier. Arrêtons le supplice et fabriquons un futur. Je vois des humains s'unir, et c'est loin d'être pour le pire. Je vois l'avenir, comment te dire. Des fois j'ai même l'impression qu'on va bien finir par s'en sortir. Et y'a plus que l'espoir pour tenir. Je voudrais pas avoir l'air de faire mon devin, mais à la fin de l'histoire, bah, faudra bien saisir que sur Terre, on n'est pas plus qu'une forme de vie. Des animaux, mais des animaux. Je suis un animal, j'ai la dalle et les crocs, j'ai un creux. Naturel, primitif, un animal, instinctif, bestial, comme un oiseau je siffle. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Je suis un lion, un animal, sois mignon. Si tu ne veux pas goûter à ma dentition. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Je suis un cobra, un animal, nique les cobas. Je tape ton visage et je te bouffe comme un croco. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Et toi aussi tu es un animal. Fais ton choix mon vieux, tu es ou perpétué. Tu es ou perpétué. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Je suis un hibou, un animal, toujours debout. Pourtant comme un panda, je m'envoie des tas de bambou. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Sortez le trophée, un animal, sérieux j'ai trop faim. J'ai truffé ce truc de tout au passé, pourtant c'est trop frais.